Suède. Une mobilisation citoyenne empêche l'obligation vaccinale. Le 10 mai 2017, le Parlement suédois a rejeté des propositions de loi qui auraient introduit des vaccinations obligatoires. Le Parlement a notamment déclaré « Si nous introduisons des vaccinations obligatoires ou forcées, cela violerait les droits constitutionnels des citoyens de choisir ce qui peut ou non convenir à leur propre santé. » Le Parlement a également fait référence aux effets indésirables graves et fréquents de la vaccination chez les enfants. Cette décision en faveur de la liberté vaccinale a été rendue possible grâce à l'action d'une ONG suédoise, le NHF, qui avait rédigé un rapport qui démontrait que l'obligation vaccinale viole les droits de l'homme. De nombreux citoyens ont aussi fait parvenir des lettres aux politiciens pour exprimer leur opposition à l'obligation vaccinale. Cette action citoyenne montre combien il est important que le peuple intervienne et défende ses droits civils. Que cela encourage d'autres peuples à prendre leur destin en main face à une obligation vaccinale.